Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 25 décembre et aujourd'hui c'est Noël. À journée spéciale, émission spéciale, il est 10h02 et bienvenue sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net pour une nouvelle émission de Noël Ensemble proposée par le groupe Solidaire Active de l'association Arelia. Hier soir, nous avons fait la veillée de Noël tous ensemble et aujourd'hui, on se retrouve pour deux émissions. Tout d'abord et tout de suite, pour une émission qui s'intitule Noël dans France, Noël d'enfance, et qui nous permettra d'être réunis juste avant le repas traditionnel de Noël, et où vous pourrez écouter de nombreux témoignages de vous tous, petits et grands, que nous avons interviewés ou par vos messages, et parce que nous aimons ce jour si particulier de l'année, toute l'équipe vous a concocté une programmation musicale, le plus souvent en live, de vos artistes préférés, avec parfois un petit message, et qui chanteront Noël avec vous et pour vous. On attaque tout de suite notre émission Noël dans France, Noël d'enfance, en chanson, par un premier titre qui résume bien l'esprit de Noël. À chacun et chacune de vous, et par mon intermédiaire, toute l'équipe du GSA et tous les animateurs, techniciens, bénévoles et toute l'association Fadjet qui rendent chaque jour cette radio locale et solidaire possible, nous vous souhaitons un merveilleux Noël. Noël ensemble, passer Noël ensemble, Noël ensemble. Dépasser nos querelles, ce soir nous rassemble. Refuser d'être seul, revenir à l'enfance et pouvoir rêver d'un sapin qui touche le ciel, nous former une guirlande. Et quand tout est étincelle, qu'une étoile nous attend. Noël. Oh, Noël ensemble. Noël ensemble. Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Saviez-vous que c'est en 1521 que le fameux sapin de Noël a fait son apparition, et en Alsace? À cette époque, les habitants étaient autorisés à couper le 21 décembre lors de la Saint-Thomas les arbres encore verts et à les décorer de roses, de pommes, de confiseries ou de petits gâteaux. Après avoir décoré pendant des années leurs sapins fleuris avec des pommes et autres accessoires comestibles et propagé leur tradition sympa autour de leur région, les Alsaciens ont cédé la place aux Mosellans dans le domaine de l'innovation noëlistique. Au cours de l'année 1858, une grande sécheresse s'est malheureusement abattue sur la Moselle et le nord des Vosges et a privé les sapins de leur fameuse décoration. C'est à ce moment-là qu'un verrier eut l'idée de souffler des boules de verre et de les accrocher aux arbres en remplacement, donnant ainsi un élan style à nos arbres de Noël qui durent depuis un siècle et demi. Et on retrouve Kenji Girac pour un petit message et surtout une jolie reprise de la chanson de Noël que tout le monde connaît depuis des générations et des générations partout en France. C'est la belle nuit de Noël, sa neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, il faut une dernière prière. On y va ensemble. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te courir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que j'ai décommandé. Petit Papa, tu descendras du ciel avec. Ah, merci. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des clochers des églises, ta distribution de surprise. C'est le dernier refrain, on y va ensemble. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas ton petit soulier. Et le mien aussi, bien sûr. Merci beaucoup. On se sent enfant, hein, dès qu'on chante ça. Nous avons un message de Jean-Luc de Neuve-Maison. J'aimerais écouter cette chanson de Noël de Johnny Hallyday qui évoque pour moi tant de souvenirs personnels. Johnny était vraiment le boss et j'en suis toujours fan. Joyeux Noël à tout le monde. J'avais oublié à

jusqu'au lendemain. Les cendres étaient conservées jusqu'à Noël suivant pour protéger la maison et remises au feu avec la nouvelle bûche. La pâtisserie, quant à elle, a vu le jour en 1945. J'ai ta compagnie. Petit message de Denis en provenance de Nancy. J'ai eu la chance de passer un Noël dans ma vie à Montréal, au Québec, à l'époque de la sortie du disque de Noël de Rock Voisine. Merci de passer cette belle chanson qui me rappelle tant de bons souvenirs au pays de l'hiver. Joyeux Noël à tous! Quand tout est gris dehors, je repense à mes bonheurs d'enfant du Nord en décembre. Mon cœur battait plus fort et le vent soufflait du blanc sur le décor. Moi j'apprenais mes premiers accords bien avant que les saisons ne perdent. Je me souviens des chansons qui réchauffaient notre maison. Au pays de l'hiver, décembre à mes yeux d'enfant, étalait des peaux d'ours blancs. Sur terre, en décembre, mon cœur battait si fort. Impatience sous les lumières multicolores. Moi je prenais les copains d'abord. Je me souviens des chansons qui réchauffaient notre maison. Mon pays c'est l'hiver, décembre à mes yeux d'enfant, étalait de beaux sentiments. Sur terre, depuis décembre a perdu la bataille, rien n'est plus comme avant. Mes bonheurs d'enfant du Nord en décembre. Joyeux Noël à tous sur Fadjet. Joyeux Noël! Martin, 4 ans. L'année dernière, le Père Noël s'est trompé, il m'a donné le cadeau pour ma sœur et ma sœur ne voulait pas me redonner son cadeau qui était pour moi. Du coup, on s'est rouspété, le Père Noël est très vieux et il perd la boule. Marie, 5 ans. Pour moi, la magie de Noël, c'est de se réveiller et de voir des cadeaux sous le sapin et toute ma famille réunie. Justine, 4 ans. Mon frère Nicolas a mangé toutes mes chocolats du calendrier de l'Avent. Il est méchant et je le dirai au Père Noël. Et voici une très belle chanson tendre de Noël de l'enfance. Il s'agit de Marie Noël de Robert Charlebois. Quand décembre revient, quand la neige neige. Ton visage me revient en rafale de rire d'étoiles. C'est nous deux à l'envers quand mes rêves rêvent. À ces Noëls rouges et verts, nos 8 ans, nos amours d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Quand décembre revient, quand résonne, sonne, minuit, mon cœur se souvient des manèges de boules de neige, tes petits grands yeux verts et ta bouche rouge faisaient tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Plus décembre revient, plus la neige, neige. Sur mes Noëls rouges et verts, mes 8 ans, mes amours d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Plus décembre revient, plus la neige, neige, et plus mon cœur se souvient nos 8 ans, nos amours d'hiver. Fadjet, écoutez, écoutez, c'est Noël. Joyeux Noël. Dans le pays de Montbéliard, le Père Noël a le droit à une drôle de remplaçante, la tante Harry. Habillée en paysanne, cette bonne fée du folklore franc-comtois est la protectrice du pays de Montbéliard. Accompagnée de son âne Marion, elle vient distribuer aux enfants sages de jolis présents, tandis qu'elle dépose seulement des brindilles devant les portes des vilains garnements. Petit message de Jocelyne, en provenance de l'Axou. J'adore depuis toujours Céline Dion, et particulièrement une de ses reprises de Noël Blanc qu'elle avait fait passer dans une émission diffusée au Québec en 88. J'aimerais beaucoup l'écouter. Merci et joyeux Noël à tous. La nuit est pleine de chants joyeux, le bois craque dans le feu, la table est déjà garnie, tout est prêt pour mes amis. Et j'attends l'heure où ils vont venir. Tous mes souvenirs. Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Daniel, 6 ans. Pour moi, la magie de Noël, c'est de pouvoir rejoindre ma famille et vivre ensemble. C'est un jour de l'année où nous nous réunissons après longtemps de ne pas se voir. Nous parlons de ce qui est arrivé à tout le monde tout au long de l'année et j'adore. Julie, 5 ans. Ma maman à Noël me fait écouter votre émission. Il y a des belles chansons, j'aime beaucoup et je vous souhaite un joyeux Noël. Martine, 6 ans. Chaque année, comme cadeau de Noël, avec mes parents, on va à Disneyland ou à Europa Park ou à Nigloland. J'adore, c'est vraiment la magie de Noël. Petit message de Bernadette en provenance de Maxéville. J'ai toujours aimé cette chanson de Cremel White qui parle bien de Noël et que je chantais enfant à l'école. La reprise de Garou est aussi vraiment très réussie. Merci de la diffuser et joyeux Noël à tous. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Joyeux Noël avec Fadjet. Oh oh oh oh, joyeux Noël sur Fadjet. En Lorraine, on célèbre la Saint-Nicolas depuis plus de 1000 ans. Les Lorrains prennent très à cœur cette tradition, pendant laquelle le Saint-Nicolas, protecteur des enfants et de la Lorraine, distribue dans la nuit du 5 au 6 décembre des friandises aux enfants sages. Le père Fouettard, quant à lui, est chargé de punir les plus vilains. Il y a plus d'un siècle, le grand Saint-Nicolas apportait aux enfants sages une pomme ou un petit gâteau, et le père Fouettard, lui, donnait aux pollutions des morceaux de charbon qui noircissaient les mains et le visage. Ah, ces enfants, ils avaient belle allure avec leur charbon. Mais le cadeau avait quand même son utilité, car il permettait quand même de rapporter à la maison et faire un petit feu dans la cheminée et réchauffer toute la famille. Pas si méchant que ça, le père Fouettard. Petit message de Marianne de Nancy. Je viens de découvrir un album de Noël d'une jeune interprète qui s'appelle Valentina. Pouvez-vous passer sa chanson La magie de Noël dans votre émission ? Je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux Noël. « yeux des gens qui passent, comme un courant électrique dans l'air, un nuage de couleurs que rien n'efface. Ces moments simples qui font du bien, comme une chanson sur un vinyle. Ces petits riens dont on se souvient et qui font de nous une famille. Comme des milliards de je t'aime qui prennent feu dans le ciel de décembre. Ce soir je l'attendais depuis longtemps. Ce soir je voudrais arrêter le temps. Autour de la table tous les gens que j'aime. C'est peut-être ça. Les yeux pleins d'étoiles et de cadeaux. L'amour résonne comme un doux refrain. Je voudrais peindre ce moment sur un tableau. Ces regards complices qui font du bien. Ces mots qui illuminent nos pupilles. Celles de ces nuits dont on se souvient et qui font de nous une famille. Comme des milliards de je t'aime qui prennent feu dans le ciel de décembre. Fête de fin d'année avec Fadjet. Oksana, 6 ans. Depuis que ma maman et moi sommes partis d'Ukraine, on vit dans un foyer en France. Il y a une grande fête de Noël de prévu et je vais avoir des cadeaux. Mon pays, mon papa et mes amis me manquent, mais j'adore Noël ici. Marina, 6 ans. Moi, je suis de Nancy et j'adore Noël pour aller voir le grand sapin et le spectacle quand il fait nuit sur la place Stanislas. Je vais aussi à la patinoire près de la gare et l'année dernière, on est allé avec mes parents sur la grande roue. J'avais un peu peur, mais c'était génial. Tout le monde est heureux et de bonne humeur. C'est ça la magie de Noël. Camille, 5 ans. Chaque année, à Nancy, on va au grand défilé du Grand Saint-Nicolas. Mais comme je suis petit, je vois pas grand-chose et ça caille. Nouveau message de David à Saint-Max. J'aimerais écouter cette belle chanson de Noël d'Anniti que vous avez diffusée l'année dernière dans vos émissions de Noël. Je la trouve vraiment magnifique et ça me rappelle mon grand-père de Tahiti. Joyeux Noël! Depuis plusieurs jours, la maison est décorée. On accroche des guirlandes sur le grand cocotier. Le quartier s'illumine pour préparer la fête, puisque bientôt c'est Noël. Je t'en prie, petit papa Noël, ne m'oublie pas. J'ai toujours été sage, demande à mon papa. J'attends tous les jouets que je t'ai commandés, puisque bientôt c'est Noël. C'est Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh, c'est Noël. Oh, c'est Noël. Et les étoiles scintillent partout dans le ciel. Oh, c'est Noël. La nuit magique sur moi s'est déjà refermée. Le chant du coq va bientôt tous nous réveiller. Je vais bondir pour découvrir tous mes cadeaux. Enfin, c'est sûr, c'est Noël. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Autrefois, la Savoie avait sa propre version du Père Noël, qu'elle appelait le Père Chaland. Il ressemblait au traditionnel Père Noël que l'on connaît plus tous. Un vieux monsieur à la longue barbe blanche et au chapeau pointu qui passait par la cheminée pour déposer des cadeaux. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. En revanche, une chose perdure depuis le temps ancestraux. Ce sont des délicieux beignets fourrés à la compote de coin de pommes. Miam miam! Et voici un classique, La fille du Père Noël de Jacques Dutronc, en live. Je l'ai trouvée au petit matin, toute nue dans mes grands souliers. Placée devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais été mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois, dans la cheminée avait pas son père. Nouveau message de Chantal en provenance de Nancy. J'aimerais écouter cette chanson interprétée par Henri Salvador et Céline Dion, car ma maman aimait me la chanter le soir avant de m'endormir. Joyeux Noël à tous! Une chanson douce, comme chantait ma maman. chanter pour toi. Car ta voix est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Et le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La la la la. S'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh, le joli conte que voilà. Femme se changea, la la la la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. Princesse, avec tes jolis cheveux, la neuve caresse se vide au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. L'équipe de Fadjet vous souhaite de joyeuses fêtes. En provençal, Satoun signifie petit saint. Fabriqué en Provence avec la terre rouge de la région, les figurines décorent la majorité de nos crèches de Noël depuis le début du XXe siècle. Toutes les personnalités du village sont représentées, du meunier jusqu'à l'âne, tous assemblés autour de la Sainte Famille. Autre coutume bien propre à la Provence, le festin des 13 desserts, symbolisant le nombre de convives de la scène. Dernier repas de Jésus avec ses 12 disciples. En Provence, on ne peut concevoir un réveillon sans eux. Niveau déco, la table doit être décorée avec le blé de la Sainte Barde et une branche de houx porte-bonheur. Message de Yves à Vendeuvre. Je dédicace la chanson Jésus de Laurent Voulzy qui me paraît bien refléter les valeurs de Noël. À vous toutes et tous, joyeux Noël! avec leurs ailes. Toi, tu choisis lesquels. Même désir d'amour, les mêmes je t'aime toujours. Même navire pourtant, même vague et même vague. Joyeux saut avec Fadjet. À Noël, il est coutume en Champagne-Ardenne de déguster des gaufres avant la messe de minuit. À cette occasion, il était courant d'offrir une bourde, longue brioche, fendue sur laquelle on faisait des ronds avec un dé à coudre. Cette pâtisserie était souvent donnée aux enfants par leurs parrains ou marraines. En Bourgogne, on ne parle pas de Père Noël, mais de Père Janvier. Celui-ci venait d'épouser des étrennes dans les petits sabots déposés par les enfants. Le menu aussi est différent. Pas de saumon fumé ou de foie gras, mais des spécialités régionales comme les escargots persillés, la fricassée de fraissure ou les œufs meurettes. Une autre coutume voulait que l'on place une bûche enflammée la nuit de Noël devant sa porte pour que la Vierge vienne se réchauffer. Il est déjà l'heure de terminer cette émission. Je souhaiterais remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Françoise, Alain, Bertrand, Lionel, Sébastien, Océane et aussi Yves à la technique, évidemment. Nous avons eu grand plaisir à vous la préparer et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans quelques instants pour notre dernière émission de notre Noël Ensemble qui sera un Noël du monde. A tout de suite sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net. Bon repas de Noël et encore joyeux Noël à toutes et tous. Avoir 5 ans au soleil, avoir le temps d'être éternel et croire au Père Noël qui descendra du ciel. Est-ce que tu te rappelles? La vie était belle, on attendait Noël, on attendait Noël, Noël. Avoir 5 ans au soleil, avoir les yeux pleins d'étincelles et lancer des appels en direction du ciel. Oui, je me rappelle, la vie était belle, on attendait Noël, on on attendait Noël, Noël. On ne vit plus sous le même toit, on ne fait plus de petites croix. La vie passe, nous ne sommes plus des enfants. Mais en installant l'étoile, c'est à nous que je pense. Je retombe en enfance. Avoir 5 ans chaque Noël, retrouver l'enfance éternelle. Et croire au Père Noël pour un instant de ciel. Redevenir ton frère, petit frère téméraire. En attendant Noël, en attendant Noël, Noël. Redevenir ton frère, petit frère téméraire. En attendant Noël, en attendant Noël, Noël.